Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin, en plein milieu de la nuit, et c'est pas de modernisme, le 44e épisode. Oui, je profite de rush entre deux articles et une insomnie pour faire un petit pas de modernisme vraiment gossé sur un coin de bureau. Et on va débuter dès maintenant d'ailleurs avec du rock. On va avoir entre autres des pièces de FND. J'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'informations sur ce groupe. Je me rappelle juste que quand je les avais entendus sur le site Sonic Beats, qui est un portail où est-ce que des groupes qui débutent mais qui ont du beat peuvent mettre leur kit de presse électronique en ligne et les soumettre à des festivals, des événements du genre pour que les organisateurs puissent les choisir et qu'eux se gavent de groupies, de coke, de champagne et bien sûr baignent dans l'argent parce que Dieu sait que tous les festivals musicaux d'Amérique du Nord finissent comme ça. En tout cas, je vous ai mis le lien vers le Electronic Press Kit, si vous me permettez l'expression. On va aussi avoir du Deers, on va avoir un classique Lost in the Plot enregistré à Kingston en Ontario, mais avant une nouvelle pièce de Manajub qui s'appelle Le Pirate d'Oshlaga. C'est tiré de l'enregistrement de leur plus récent concert à Chicago. Si vous avez besoin de plus de détails sur la programmation, si vous avez des commentaires, des trucs du genre, vous pouvez me rejoindre au podmodernisme, podmodernisme, @gmail.com. Okay, this next song is called Le Pirate d'Oshlaga for you and your friends. How are you tonight, Chicago? Yeah. Chateau, j'adore. We're from Montreal, we're Manajou. Release me! jamais fait d'aucun bien à personne. Mais moi, we'll be right back. C'était FND avec Teldem. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Pellaquin et on écoute le 44e épisode de Podmodernisme. Un peu avant, c'était Lost and the Plot de la formation de Dears. Je vous le rappelle, en concert avec Harvey le 14 décembre au Spectrum. Cette pièce a été enregistrée lors d'un concert de novembre 95 au AG Ale House de Kingston en Ontario. Un peu avant, on a débuté cet épisode avec une nouvelle pièce de ma jupe qui s'appelle Le Pirate d'Oshlaga. Cette pièce a été captée lors d'un concert donné à Chicago. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus folk. On va avoir une reprise de Wolf Parade de la pièce I'll Believe in Anything, et c'est vraiment d'un inconnu, d'où le point d'interrogation dans le listing des pièces jouées. Un peu avant, on va aussi avoir du King Bocek, qui nous fait une de ses rares pièces en français, et un autre truc plutôt rare, une autre pièce de Milly Croche qui reprend un classique du folklore québécois, c'est-à-dire Chantons notre amour du soldat Lebrun. Si vous voulez avoir plus de détails sur la balado ou encore écouter d'autres épisodes, je vous suggère les archives, c'est le podmodernisme.blogspot.com. La lune rayonne dans le firmament, la brise fredonne, la joie du printemps. C'est un vrai bonheur d'admirer les cieux et chanter en chœur des chants d'amoureux. C'est le moment suprême. Chérie, sans trop court, dis-moi que tu m'aimes. Chantons notre amour. Je veux me griser et bercer l'espoir de toujours s'aimer comme on s'aime ce soir. Tes lèvres brûlantes, tes beaux yeux rêveurs, en toi tout m'enchante, donne-moi ton cœur. Je veux me griser et bercer l'espoir de toujours s'aimer comme on s'aime ce soir. Tes lèvres brûlantes, tes beaux yeux rêveurs, en toi tout m'enchante, donne-moi ton cœur. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec le petit Simon qu'on nous avait donné. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec le petit Simon qu'on s'était bien promis. Je m'ennuie de tout. J'ai besoin d'amour. Je compte les jours jusqu'à mon retour. Sur une porte, je te rentre bientôt. J'ai besoin d'un flot. Thank you. oceans out of our sleep. I believe anything, you'll believe anything. I said, I believe. C'était I'll Believe in Anything, une reprise de Wolf Parade par un groupe inconnu. Et oui, et un peu avant, on avait King Bocek avec la pièce Veston de velours. Et on a débuté avec Milly Croche, c'était la pièce Chantons notre amour. C'est déjà ma dernière intervention à cette 44e édition de Podmodernisme, édition à la bonne franquette, si vous voulez. Et on va terminer avec un petit peu de hip-hop. On va avoir du LMC Rar en compagnie de Mossy. Ça va être la pièce Fuck le remix. On va aussi avoir les Lofters avec la pièce Thug Story. Et pour les fans de Nathan, vous devez vous douter que quelque part, l'instrumental utilisé pour cette pièce va ressembler au thème d'une émission de télé-réalité plutôt connue ici au Québec. Mais avant, on va débuter avec un groupe qui va être en concert le 23 décembre à l'Escogriffe. Et c'est à ne pas manquer, je parle bien sûr de Jingle Fly, c'est la pièce La Chine, mon hood. À la prochaine, tout le monde! Pas besoin de faire des études, viens pas flairer mon route, je vais te donner un coup de coude. Je vais pas voir qu'est-ce qu'il y a dans ma main, fais-tu voir qu'est-ce qu'il y a dans ma main. C'est une claque pour toi, ou bien un coup de poing dans le coin. J'aime bien faire les left turns, ou faire un tour à burn. J'aime bien les petites bien fermes, ou bien jouer dans ta perm. Moi pis Mac, les conrons, les flics, le fric, les chicks, ils sait. On se félicite de s'occuper de ce business illicite. Parenthèse politique pour les défusionnistes archaïques. La Chine vous lance un nom qui transcende le clivage linguistique. Alors, trop compliqué, tout le monde était trop buzzé pour aller voter. Pis shit là, c'est nous qui leur avait frotté. Fume de façon massive, revale ta salue. Pis constate, la première à 54 sont tous à mes pattes. À la Chine, ça joue rude. Pas besoin de faire des études. Quand y'a du fuck, y'a du back. Ça se règle pas à coup de claque. Pour le monopole du crack, ça se règle à chain ça. Au pire j'te punk pis bla bla bla. C'est pourquoi on serre les bras. Toujours ensemble, toujours jingle. Les BFT, BZ et OQP, y'ont rien pour me faire battriper. Y'a pas de place ici pour deux. Si tu veux chiller avec nous, faut pas être peureux. Car on élimine toute la compétition. Capitaliste sauvage, la seule solution. La destruction toujours en fonction. Avant nous y'avait rien, à part nous y'a rien. Puis après nous y'aura rien. Bitch what? Nous on chill hard, fuck le PG. On sait on hustle puis on régit. Le sel de la chaîne défile, on raffine ton destin. Mon Chris, c'est nous qui le dessine. Nous on run le beat, on run le street. C'est nous le monopole, la dope, coke, cash, excessive. Spit me rhyme, tu fais beat down. Spit mon style, tu fais beat down. Dans le fond, je sais pas, les cops sont là. Fuck ça, ma chaîne, ma gaine, la scène te ramène. Au jardin d'Éden, quand on chill dans ma pence. À témoin que ta face, dégouline les traces. Débarrasse la gaz, des cris, flotte fiasse. À la Chine, ça joue rude. Pas besoin de faire des études, viens pas flairer notre route. Jingle Fly joue du cool, à la Chine ça joue rude. Pas besoin de faire des études, viens pas flairer notre route. Jingle Fly joue du cool. Destruction, toujours en fonction. Yo yo, tu casses, ta casse. Représente la L, yo. Représente la L. La banlieue, la première. Beretta, aka Jigga, aka Thug Story, la vie de gangster. Qui sera le plus thug? Qui sera le plus thug? Qui sera le plus thug? Qui sera le plus thug? Thug Story, la vie de gangster. Qui sera le plus thug? Qui sera le plus thug? Qui sera le plus thug? Qui sera le plus thug? En tant qu'on se comprend, hey yo, j'pèse la farine. Quand on fait un gâteau trois étages à la vanille, tout le monde veut un gros morceau, mais certains ont plus faim. C'est la loi de la jungle dans un loft urbain. J'irai pas jusqu'à dire que Sylvain c'est un soulon, mais il sert toujours un plus gros verre de la folie de tout le monde. Tristan le corps, c'est la porte, j'aime pas, c'est la mob. C'est à peine si il se force quand il chope les carottes. Même quand je suis stressé, je garde mon calme, je fais la vaisselle. Plein de pipes en communauté, c'est le bordel, c'est pas facile. Y'a toujours la pression, tout le monde veut être le plus tough. Menacé d'être sorti du love, des fois je me dis que j'aime plus ça. Mais on a créé des liens. bien profond. Et on lave notre linge sale avec précaution. On chaude du bof et de la dévotion. Car des vrais thugs ont pas peur de leurs émotions. Thug story, la vie de gangster. Dans le fond du jardin, dans mon bed and a hose. Pour mes dead homies, je mets la pelouse avec la hose. J'ai jamais peur de bring the heat. En flushant la toilette quand il sort de la douche. Et je parti faire semblant de passer le balai. Je rep le quartier sud, l'arrière du love. Souviens pas me test dans une guerre d'oreiller. J'suis un Chris de top. À l'heure du ménage, manie le gun, le Windex Calibre. Puis j'en ai rien à call ici de splash la caméra. J'suis Christian Alliance, Ludacris ou Crystal. So avant de step, pense au vote, fais attention à qui tu parles. Les thugs sont sérieux, des parties ça danse pas. It's on, like it's calling une guerre de bubbles dans le spa. Sur Twitch, si nouveau, si t'échappes, ton savon, check tes arrières. Sinon, go, go, go, c'est ton anniversaire. Tu peux peut-être sortir le thug du love, mais pas le love du thugster. C'est plat, mais c'est comme ça, what? Thug story, la vie de gangster. Pour un jour être assis sur le trône. Comment va grandir ma génération sanglante, sachant que personne n'est à l'école, mais j'ai tout en train de chanter. C'est mon CY tireur dans tes speakers. J'pense pas que ça va prendre des heures pour expliquer. Appelle-moi trafiquant, tueur de France dans la cour. Je viendrai dans l'oreille du fuck si ça transforme. Une chose de sûre, c'est que Québec va s'agrandir. Les petits fuckers, on va les fucker sans vous mentir. Viens faire un tour dans la ville où on a grandi. Les chiens attaquent n'importe qui si t'es pas gentil. Mais rien à foutre, de toute façon, ça va rester de même. On est parti des mêmes troupes, on est parti de la même haine. Tu reconnais mon quartier, t'es mieux de toi t'écarter. De bord et tes portes quand t'es parti, on est parti. Fuck the fuck, c'est pour mon hip hop, speed sex. De base et musique fuck. Pour ceux qui font encore pour le fun, pour le fun, les fans. Pas pour le money, puis les fans. Fuck the fuck, c'est pour mon hip hop, speed sex. De base et musique fuck. Pour ceux qui font encore pour le fun, pour le fun, les fans. Pas pour le money, puis les fans. Switch le split pour un 40 ans de rhum. C'est ce qui tient en forme ma quarantaine de bombes. J'ai le caractère d'un homme avec le mic comme une carapace. Mon homme, j'ai cette bombe du verset qui te remet à ta place. Remémore qu'on vit dans un pays de classe. De ce que les ancêtres ont laissé, y'en reste plus une trace. On a passé de la tempête poudreuse à la poudrasse. Et ça pourrasse dans l'entourage. On sait qu'on fera la révolution plus tard. Fuck the fuck, c'est pour mon hip hop, street sex. De base et musique fuck. Pour ceux qui font encore pour le fun, pour le fun, les fans. Pas pour le money, puis les fans. Fuck the fuck. C'est pour mon hip hop, street sex. De base et musique fuck. Pour ceux qui font encore pour le fun, pour le fun, les fans. Pas pour le money, puis les fans. I'm